quand je pense que tu as une bouille d'ange là-dessus, soupira Laurent Villeneuve. Il désignait la rangée de photos où figuraient les 6 instructeurs de l'aéroclub. Sur la sienne, Samuel souriait d'un air engageant, avec l'expression de quelqu'un à qui on peut accorder d'emblée sa confiance. « Il t'en a fait voir de toutes les couleurs ?» lança le trésorier qui officiait ce jour-là derrière le comptoir, chacun tenant le rôle de barman à son tour. « Vortex !» dit sobrement Samuel. Avec un ricanement résigné, Laurent leva les yeux au ciel. Le truc qui consiste à prendre de l'altitude, puis à laisser tomber la machine comme une pierre pendant que ton estomac te remonte entre les dents. Cette situation d'urgence fait partie des choses que tu auras peut-être à affronter un jour, lui rappela Sam. Je crois que je vais changer de prof, lâcha Laurent, qui n'en pensait évidemment pas un mot. Et pour arroser ça, je paye une tournée. En réalité, il était ravi d'avoir Samuel pour instructeur, car il s'entendait comme larron en foire partageant la même passion. Laurent possédait depuis longtemps son brevet de pilote d'avion, mais il avait eu la curiosité quelques mois plus tôt de vouloir s'initier à l'hélicoptère. Le premier vol l'avait tellement enthousiasmé qu'il s'était inscrit comme élève le jour même. En tant que pilote, si la navigation ne lui posait aucun problème, il n'en allait pas de même avec les commandes. La conduite d'un hélico se révélait bien plus délicate que celle d'un avion et demandait davantage de maîtrise. Habitué à tirer sur le manche d'un bimoteur sans se poser de questions, Laurent éprouvait quelques difficultés à changer de technique et attrapait des sueurs froides au décollage, à l'atterrissage ou pire encore, en vol stationnaire. Ils burent quelques gorgées de bière en échangeant les plaisanteries d'usage, puis allèrent s'installer à une table. Traîner à l'aéroclub parmi des hommes qui ne parlaient que de plans de vol ou d'acrobatie aérienne était vraiment l'un des plaisirs du samedi. « Est-ce que ton ex se plaît chez nous ?» s'enquit Laurent. « Pour ce que j'en sais, oui. Cela dit, je ne la croise pas souvent dans l'hôpital et elle est très occupée par sa maison. Près d'Albi, c'est ça ? » Au-dessus de Gaillac, entre la Bastide et Castelnau de Levis. Une belle propriété de famille qu'elle a rachetée à son père sur un coup de tête. Elle voulait revenir par ici. Je crois qu'elle n'aime pas la région parisienne. À l'époque où vous étiez mariés non plus ? Non plus. Sur le point d'ajouter quelque chose, Sam choisit de se taire. Les questions de Laurent ne le gênaient pas, mais il s'aperçut qu'il n'avait pas vraiment envie de parler de Pascal avec un autre homme. Surtout un homme célibataire et charmant. Laurent venait d'avoir 38 ans. Il avait un beau regard bleu acier, un sourire d'une irrésistible gentillesse, et pour un haut fonctionnaire, il était bourré d'humour. Bref, il plaisait beaucoup aux femmes. « Tu l'aimes encore ?» interrogea Laurent. Il était en train de dévisager Sam, probablement surpris par son brusque silence. « L'expression est très exagérée. Disons que je me sens toujours un peu concernée. Bien entendu, c'est idiot. Elle a tourné la page depuis longtemps. « Pas toi ? Je croyais qu'avec Marianne... »« Si, si. » affirma Sam sans aucune conviction. Marianne est une fille adorable. Ne trouvant rien à ajouter pour la définir, il se réfugia dans un nouveau silence qui finit par arracher un sourire à Laurent. Je vois. Son ironie agaça Samuel, comme chaque fois qu'il était question de Pascal ces temps-ci. La savoir si proche le rendait nerveux, et Marianne ne se privait pas de le lui faire remarquer. Qu'il l'aime encore ne faisait au fond pas le moindre doute, et peut-être l'aimerait-il toujours, tel un paradis perdu. En tout cas, il l'admettait à peine, et ne voulait pas qu'on l'oblige à le reconnaître. D'ailleurs, il perdait son temps, et tant qu'il penserait à Pascal, il ne parviendrait pas à s'attacher à une autre femme, ce qui était ridicule, nocif, malsain. « Sam ?» Laurent continuait de le scruter avec curiosité, et Samuel fit l'effort de sourire. « Ne prends pas cet air à pitoyer, tu veux ? Sinon, pour ta prochaine leçon ?» « Je te sors le grand jeu, jusqu'à ce que tu ne saches même plus comment tu t'appelles. »« Oh, c'est pourtant facile de s'en souvenir. Ça s'écrit comme ça se prononce, monsieur le directeur. » Sam se mit à rire, et après avoir haussé ostensiblement les épaules, il alla chercher 2 autres bières.